C'est bon ce truc là. Ah ouais, t'as mis deux. Comment tu fais après? Par exemple, tu mets une piste pour ton MP3. Ah oui, ça, j'avais pu faire. Comme ça, tu peux baisser mon... C'est quoi le tempo de ça, tu vois? D'accord, hein? Ça fait 160 ça? Ça fait combien de mesures ça? Euh...